Happy New Year! Faustine étreint son nouvel imperméable. Ainsi, Maxime ne pourra plus lui dire qu'elle ressemble à un parachutiste dans sa vieille parka. Elle court comme si sa vie en dépendait, et sûrement qu'il y a un peu de cela. Elle court, l'amoureuse, dans les couloirs de Heathrow, à la recherche de Laravel Gate. Ouf, le voilà! Elle y accède presque en même temps que lui, son homme, son amant. Ah, ce coup au cœur en le voyant débarquer. Elle retrouve l'inimitable swing de sa démarche, qu'elle pourrait reconnaître à des kilomètres, même sans lunettes. Un court instant, elle le voit sans être vue. Lui la cherche, survolant la foule. Dès qu'il l'aperçoit, son visage se détend imperceptiblement. Peu à peu, la joie monte, du sourire aux yeux. Ses yeux si bleus l'embrassent tout entière. Elle considère le large torse mis en valeur par le pull à col roulé sous la veste de costard. Seul moyen pour lui d'éviter la sacro-sainte cravate qu'il déteste. Comme elle aime ce poitrail solide et rassurant, ses bras protecteurs. Avant de répondre à la bouche gourmande, elle hume son odeur au passage, légèrement épicée, ô combien familière. À nouveau, Faustine se sent chez elle, retrouve ses marques. Pour que leur parfum corresponde si bien, cet homme-là est de sa race, à n'en pas douter. À cet instant, son bonheur est total. Si elle savait ce que c'est, elle évoquerait un tsunami de gratitude. Mais déjà, Maxime, impatient, lui prend la main, l'entraîne vers la sortie. Il monte dans le métro qui relie l'aéroport à la capitale. Sortie Russell Square Station. Depuis longtemps, Maxime rêvait de passer une nuit à l'hôtel Russell. Ce 4 étoiles de luxe, aux 373 chambres sur 8 étages, fait partie des petits bijoux de la capitale anglaise. Les prix aussi, bien sûr, sont conséquents. C'est pourquoi, afin de ne pas exagérer, le petit ingénieur a laissé sa secrétaire louer une chambre simple en se promettant de changer pour une double, à ses frais, une fois sur place. Hélas, trois fois hélas, il n'avait pas prévu qu'en cette période de fête, l'hôtel serait archi-plein. Le couple adultère se résigne donc à accepter le minuscule KGB du 8e étage avec son lit cage à l'avenant. « Mon pauvre amour, j'aurais bien aimé t'offrir mieux. Mais hélas, mes moyens sont restreints. Tout a passé en cadeaux et vacances pour les filles et leur mère. Dommage, mais au moins on est ensemble, c'est le principal. » L'autre mauvaise nouvelle, c'est que je n'ai qu'une journée à te consacrer. Demain soir, je reprends le train pour Birmingham. Après-demain, je bosse et en soirée, je rentre à Nice. Va falloir qu'on remette les bouchées doubles, ma douce, mais je te promets qu'on se rattrapera en février, à New York. Oh non, flûte alors, tu pouvais pas me le dire avant? Ça fait longtemps que tu le sais? Depuis la veille des vacances de Noël, mais tu sais ce que c'est avec les fêtes, ma femme, les filles, j'ai complètement oublié. C'est vraiment stupide parce que je n'ai pas de chambre pour demain soir. Ma réservation sur le ferry est pour après-demain. Il me reste plus un rond pour payer l'hôtel. J'ai plus qu'à dormir dans la rue. Merde, remerde. Mais non, tu verras, on va te trouver une piole demain matin. Je sais qu'il y a une auberge de jeunesse dans le coin. Pour une nuit, ça ira et je te donnerai les sous. Faustine est contrariée, elle supporte mal d'être mise devant le fait accompli. Si elle ne peut pas se préparer mentalement aux choses qui lui arrivent, elle angoisse. De même qu'elle n'a pas la repartie facile, elle peine encore à trouver une solution rapide aux aléas, d'où son émoi. Maxime ne se rend pas compte qu'elle n'a pas l'habitude de voyager et de se débrouiller comme lui, qui d'ailleurs a une secrétaire pour lui faciliter la vie. Faustine n'a pour elle que ses 21 ans, et le sentiment d'invincibilité qu'on éprouve à cet âge. Mais ce n'est pas le moment de bouder. Maxime se montre si tendre après sa mise au point qu'elle renvoie ses inquiétudes au lendemain. En quittant une chambre scandaleusement bordélique, les affamés cherchent un endroit à proximité où se sustenter. Ce soir, par bonheur, il reste de la place au Swiss Chalet situé à deux pas, et la raclette qu'on y sert à gogo est tout à fait correcte. De retour à l'hôtel, Maxime se jette une nouvelle fois sur sa maîtresse avec un appétit féroce. Passionné, fougueux, il ne l'épluche pas. Il arrache tout sur son passage. Il s'en donne à cor joie, effectuant sur le champ plusieurs allers-retours à la fontaine qui jouxte le mont de Vénus, s'émerveillant encore et toujours de l'accueil débordant. Comme elle est douce ta peau, comme il est plat ton ventre, comme ils sont tendres tes seins, comme ils répondent bien à ma main. Vois comme ils se dressent les coquins. Il ne se lasse pas de caresser sa belle, de l'embrasser de la tête aux pieds. Sans être coutumier des relations adultérines, Maxime sait qu'il doit être attentif aux accidents. Il ne croit pas un mot des allégations du vieux médecin Grassois qui prétend que Faustine ne peut avoir d'enfant. Dès le début de leur relation, après que la jeune femme lui eut confié qu'elle ne supportait aucune pilule, il a pris ses responsabilités en matière de contraception. Il appelle cela le feu d'artifice sur le gazon, ce que Faustine trouve aussi charmant qu'imagé. Quelques feux d'artifice plus tard, donc, ravi, comblé et épuisé, il se décide au repos. Las, Faustine ne peut fermer l'œil, tant l'exiguïté du lit la dérange. Elle qui aime ses aises, qui a toujours besoin, en plus du noir et du silence le plus complet, de pouvoir se vautrer de tout son long, la voilà à moitié coincée entre le bras de Maxime, son épaule et le mur. Impossible de dormir avant le petit matin où de guerre lasse son corps lâche prise enfin. Courbattue, fourbue, elle récupère néanmoins après un bon petit déjeuner. Heureusement que la portion prévue pour une chambre simple est assez copieuse pour deux. Les amants profitent encore de la chambre jusqu'à midi, le temps pour Maxime de faire provision de tendresse. Puis, abandonnant leurs affaires au dépôt de l'hôtel, ils déambulent dans le centre de Londres. Comme cadeau de Noël pour sa chérie, Maxime a réservé une table au restaurant panoramique du 34e étage de la British Telecom Tower, le plus haut bâtiment du pays. Avant de prendre l'ascenseur, Faustine et Maxime subissent une fouille en règle, rendue obligatoire depuis qu'une bombe, attribuée à tort à Lyra, a explosé dans les toilettes du restaurant. Au sommet, nos amis, confortablement installés près d'une fenêtre, jouissent d'une vue imprenable sur la capitale. Le restaurant effectue une rotation complète en 22 minutes. Si le repas lui-même ne laissera pas à la jeune femme un souvenir impérissable, toute sa vie elle se souviendra de la bouteille de désallée commandée par Maxime en son honneur. En mangeant, ils se livrent à leur jeu favori, organiser leur future vie commune. Maxime espère bien trouver une place à sa mesure dans le petit monde de l'électronique. Bosser le jour, jouer le soir, rencontrer les musiciens de jazz qu'il admire, mais aussi naviguer, pratiquer un sport, aller au spectacle, apprendre le solfège. Il sent qu'avec Faustine, tout cela sera envisageable. Aussi, à partir du moment où il aura disparu corps et bien, reste encore à peaufiner le scénario. Ils pourront vivre n'importe où dans le monde. Faustine imagine déjà la petite maison dont elle s'occupera, les enfants qu'ils auront, mais ça, elle le garde pour elle. Les amis qu'ils fréquenteront. Pour elle, ça ne pourra être qu'aux États-Unis. Et pourquoi Maxime n'ouvrirait-il pas un magasin d'électricité comme son père? Elle pourrait s'occuper de la caisse et des commandes. Ou encore, il pourrait devenir artisan comme ses propres parents. Maxime réfute. La couture ne lui dit rien qui vaille. Quant à l'électricité, de nos jours, ça ne paye plus du tout. IBM est en train de fabriquer des micro-ordinateurs et compte bien équiper tous les bureaux du monde prochainement. Bientôt, toutes les secrétaires travailleront sur ces machines. Et s'il apprenait à les programmer et à les installer? Mais peut-être aussi pourra-t-il trouver un débouché dans la compatibilité électromagnétique? Les idées fusent. C'est tellement passionnant de construire son avenir. Faustine exulte. Les choses se concrétisent. Bien sûr, Maxime a ses défauts. Il lui arrive d'être égoïste, comme tous les hommes, de ne pas se rendre compte de ce qui l'angoisse, elle. Mais dans le fond, ce n'est pas si grave. Avec le temps, elle apprendra. La fin de l'après-midi passe très rapidement. Chercher les bagages, trouver une chambre pour Faustine dans une auberge de jeunesse à proximité, il y est installé. Faustine fouille ses poches, il n'a pas prévu le coup, et il peine à réunir une dizaine de livres. Il en faut 5 pour la chambre. Il n'a plus le temps d'aller chercher un complément. Faustine saura bien se débrouiller. Elle n'a pas le droit de revenir avant 21 h. Elle espère que ses affaires ne risquent rien. Les individus qu'elle a croisés dans l'escalier ne lui disent rien qui vaille. Maxime est resté le plus longtemps possible avec elle. Mais maintenant, il faut qu'il fonce absolument à Waterloo s'il ne veut pas rater son train. Allons, allons, ne pleure pas, mamie. Mon amour, ma vie, nous nous reverrons bientôt. N'oublie pas que nous avons rendez-vous fin janvier avec ta mère. Non, pleure Faustine, non, je n'oublie pas. Et elle se retrouve larguée sur le trottoir. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps que tu m'as laissé? Rejoignant le centre de Londres, toujours brillamment décoré, Faustine se rend sur les conseils de Maxime, toujours, dans le célèbre magasin Liberty. Le tissu Liberty est à la mode en ces années 70-80. Maman s'en sert autant pour garnir les paniers que pour coudre des robes à sa fille. Faustine bagnaude longuement dans tous les rayons. Ce magasin, au style Tudor si caractéristique, comme le décrivent les dépliants, propose tout ce qu'on peut imaginer d'utile ou pas sur 3 étages. C'est le rayon vaisselle et gadgets culinaires qui intéresse le plus Faustine, à l'affût de la trouvaille géniale qu'on ne voit nulle part ailleurs. Rien n'est dans ses moyens, bien sûr. Peu importe, elle se remplit les yeux d'une foule d'idées pour plus tard. Avec les 10 livres que Maxime lui a laissés, Faustine doit se nourrir ce soir et demain sur le bateau. La chambre payée, il lui reste 5 livres. Sans faire de folie, la somme devra être suffisante. La jeune femme décide de retourner au Suisse Chalet. Pour 1 livre, on peut manger une portion de raclette. Un jeune Anglais s'approche d'elle et lui demande poliment s'il peut s'asseoir à sa table. « Of course !» répond-elle. Par chance, sa diction est excellente, elle le comprend facilement. Ils refont le monde, se racontent leur vie. Elle investit 1 livre supplémentaire dans des bières. Puis le garçon propose de la raccompagner. Après sa courte nuit, Faustine ne rêve plus que de se retrouver à l'horizontale. Sa nouvelle connaissance doit penser la même chose lorsqu'il propose de traverser Hyde Park. Il se jette sur elle derrière le premier buisson venu. « Ah non, pas de ça !» hurle la jeune femme, qui trouve l'énergie dans sa colère de le repousser violemment et de s'enfuir en courant. Par chance, l'auberge vient d'ouvrir. Faustine s'y engouffre. Elle ne sera vraiment tranquille qu'une fois isolée dans sa chambre. Pas pour longtemps, hélas, car l'infâme turne comporte 4 lits superposés qui seront occupés dans l'heure qui suit. Dernière pensionnaire, une clocharde avinée, puante et sale comme un peigne, poussera de tels hurlements tout au long de la nuit qu'elle rendra tout sommeil profond impossible. Faustine ne regrette pas le lendemain matin de quitter Londres et ses habitants. Elle s'endort illico dans le train entre Waterloo Station et Douvres. On la réveillera au terminus. Sur le bateau jusqu'à Calais, elle préférera mettre ses derniers sous dans du whisky à 25 cents que dans un sandwich douteux. C'est ainsi qu'en débarquant à Calais, elle sera la seule passagère à marcher droit sur la terre ferme. Cette fois, Faustine voyage en solitaire dans le train pour Paris ainsi que dans celui à destination de Cannes. Le paysage d'hiver défile, triste et gris. Ce soir, elle sera à Grasse et dormira dans son lit. Rêveuse, Faustine s'interroge. Où sera-t-elle l'an prochain à la même époque? Maxime va-t-il tenir ses promesses? Quitter sa vie pour partir avec elle? Vont-ils réellement vivre ensemble un jour? Iront-ils aux États-Unis? Auront-ils des enfants? Si seulement on pouvait voir l'avenir. Ses pensées tournent en boucle dans sa tête. Elle ferait mieux de se concentrer sur la prochaine étape, la rencontre au sommet entre Maxime et la reine-mère.